une histoire particulière. Le mystère Lebovici, l'affaire Lebovici. Le premier épisode de notre récit documentaire nous a fait pénétrer hier dans un monde à part, celui de la production de films, le showbiz comme on dit, dans les années 80. Nous avons découvert la personnalité d'un homme étrange, dont très peu de photos subsistent et aucune interview. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés hier. Gérard Lebovici a été assassiné, il a été retrouvé dans sa voiture. Stéphane Bonnefoy et Annabelle Brouard nous racontent la suite. Mystérieux assassinat aujourd'hui à Paris. Grand nom du showbiz, Gérard Lebovici a été découvert assassiné dans sa voiture. Dans lundi 5 mars 1984, vers 18h30, Gérard Lebovici quitte précipitamment le bureau de sa société de production distribution 3A suite à un mystérieux appel téléphonique. Il annule ses rendez-vous et prévient sa femme Floriana de son possible retard. On ne le reverra plus vivant. Il est 18h30 ce soir-là quand le producteur quitte son... Deux jours plus tard, le 7 mars, vers 3h du matin, dans un parking souterrain de l'avenue Foch, le chien d'un vigile découvre le corps de Gérard Lebovici, la tête posée contre le volant de sa Renault 30 TX. Le producteur-éditeur a été tué de 4 balles dans la nuque, tirées à bout portant. La quatrième douille a été disposée à la verticale sur la lunette arrière de son véhicule, la signature d'un contrat. Raquettes, règlement de compte, chantage, les policiers pour l'instant ne privilégient aucune hypothèse. Comment ne pas revoir dans son assassinat le scénario de l'un de ces films du cinéma français des années 70-80 sur lequel il régnait. Dans la poche de son imperméable, un mot a été griffonné à la hâte. François, 18h45, rue Vernet. Le François en question est-il François Besse, le lieutenant de Jacques Mesrine, avec qui l'éditeur Lebovici est en contact ? Ce sera l'une des trop nombreuses pistes que suivront les enquêteurs. Quelques mois avant son assassinat, Lebovici avait fièrement réédité L'instinct de mort de Mesrine aux éditions Champs Libres. Dans sa préface, il avait souligné le redoutable honneur de publier l'ouvrage d'un homme qu'il considérait comme un libertaire. Le mystère Lebovici, un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Annabelle Brouard. Deuxième partie, un mauvais polar. Oui, je me flatte de faire un film avec n'importe quoi. Et je trouve plaisant que s'en plaignent ceux qui ont laissé faire de toute leur vie n'importe quoi. Guy Debord. J'ai mérité la haine universelle de la société de mon temps et j'aurais été fâché d'avoir d'autres mérites aux yeux d'une telle société. Mais j'ai observé que c'est encore dans le cinéma que j'ai soulevé l'indignation la plus parfaite et la plus unanime. Gérard Lebovici était particulièrement discret dans sa relation avec Guy Debord et je n'ai pas à commenter et à interpréter Jean-Louis Lévy. Cette relation extrêmement forte qu'ils avaient tous les deux. J'évoquais tout à l'heure le contrat qu'il avait signé avec Guy Debord, où il cédait tous les droits. Et quand je lui en ai fait la remarque, il m'a dit, mais alors qu'est-ce que t'en penses ? J'ai dit, ben, tu cèdes tout ? Il me dit, ben oui, tu vois, avec un sourire ironique et en coin, et très heureux d'avoir fait ça pour Guy Debord. Ouais. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut parler de fascination. Le public du cinéma, qui n'a jamais été très bourgeois et qui n'est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenue large. Celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services dont le système productif actuel a si impérieusement besoin. Gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. Qui est-il en 1984 ? C'est quelqu'un qui a un grand projet avec Debord. C'est quelqu'un qui a vécu l'aventure In Jérôme, Imus Nocte, Marie-Christine de Montbrial, de manière très intense. Et je pense que ça l'a un peu changé. Parce que le film a été fait en 1978, mais il n'est sorti qu'en 81. Il est sorti, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais distribué par Gaumont. Ce qui est quand même inouï quand on y pense. Et moi, je fais la réflexion, fallait-il que Gaumont ait envie d'avoir le Rennais et le Truffaut pour accepter de sortir le Debord ? Bon, qui s'est écrasé. Et donc, est rentré dans la tête de Gérard ce jeu de mettre Debord sur le pinacle. Il avait envie de rencontrer des gens qui l'intéressent. Et il avait l'art de faire de ces gens qui l'intéressent, de les mettre en avant, de les valoriser. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Lebovici, qui paraît immédiatement intéressé par Guy Debord, ne lui propose pas tout de suite de l'argent pour ses projets cinématographiques, mais lui offre de publier ses livres et lui offre de republier son principal livre, La Société du Spectacle. Jean-Marie Apostolides. Il écrit à certains de ses amis pour parler des premières relations qu'il a avec Lebovici, en le présentant simplement comme un individu riche qu'il faut pressurer et dont il faut tirer le maximum, un individu qu'il méprise et pour lequel il n'a pas grand intérêt. C'est du moins le personnage qu'il joue vis-à-vis de ses camarades, de façon à ne pas être accusé de pactiser avec l'ennemi capitaliste. Donc, il s'approche doucement de lui. Mais dans la tête de Debord, c'est dans le but d'obtenir plus de la part de Lebovici, donc il lui donne moins, de façon à ce que Lebovici, qu'il a immédiatement perçu comme un personnage important, comme un personnage qui reçoit chez lui ou dans Art Media, qui reçoit beaucoup de gens importants du cinéma qui viennent lui manger dans la main, Debord veut lui montrer que lui, il est beaucoup plus fort que tous ces gens-là, donc il n'a pas une attitude de soumission, il n'en voit pas les signes de politesse que Lebovici serait en droit d'attendre. Et en un sens, Lebovici tombe dans ce panneau ou dans cette attitude, et du fait que Debord ne semble rien attendre de lui, il lui offre chaque fois plus. C'était un personnage qui sortait tout à fait de l'ordinaire, c'était un aventurier de la création. C'était aussi quelqu'un qui avait... Alain Resnais. Beaucoup d'humour. Archivina, 2004. Et il savait très bien s'amuser des sautes d'humeur qu'il pouvait y avoir dans des prises de position. Il avait l'air de partager la vie de l'adversaire pendant quelques minutes. Et puis tout à coup, grande tirade, et l'adversaire était totalement mis sur le tapis. Madame. Veuillez trouver si inclus en retour votre manuscrit, actuel ou le manifeste d'une contre-culture en France, dont le sujet ne nous intéresse pas. À ce propos, nous nous permettons de vous rappeler les jugements portés sur ce magazine, extrait de deux livres que nous avons publiés. Torchon moderniste, sorte de magazine de la pollution intellectuelle, décharge publique de la récupération. Jugement que nous approuvons totalement. Veuillez agréer, madame, nos salutations sincères. Gérard Lebovici. Édition Champ Libre, le 12 décembre 1977. C'est un homme à la fois qui usait de l'argent, mais c'était pas, et qui devait en consommer beaucoup dans ses entreprises, mais dont c'était pas le but. Voilà, ça c'est clair. Parce qu'on m'en expliquerait pas toute l'autre partie, l'ombre. Daniel Toscan Duplantier. En même temps... Archive INA, 1995. Un homme très secret, très fermé. J'étais même allé chez lui, je me souviens. Parce qu'on n'était pas loin de s'aimer quand même, sur un certain plan, avec une opposition radicale. Je me souviens d'ailleurs que quelques jours avant sa mort, finalement, je l'avais appelé, je lui ai dit « Écoutez, arrêtons, c'est chamaillerie, on est dans le même univers, et même s'il y avait cette différence fondamentale, lui de la rupture et moi de l'obsession, de la réconciliation, au contraire, je peux dire ça de ce côté-là, c'était les antipodes de psychologiques. » Il semble que Debord réveille en Lebovici un personnage ou un rôle. Il va parler de lui en termes de personnage. Le livre qui a été publié après sa mort s'appelle « Tout sur le personnage ». Donc Debord réveille en lui un personnage qu'il ne connaissait pas, qui, loin d'être l'homme d'affaires cinématographique qui réussissait si bien, au contact de Debord, le personnage du rebelle, de l'opposant, de celui qui joue avec le système mais qui fondamentalement ne l'aime pas, va se réveiller chez Lebovici. C'est-à-dire, tout en restant le producteur important que l'on connaît, il va vraiment y avoir chez lui un opposant au système. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire un révolutionnaire? Je ne sais pas. Mais au moins un opposant qui va adopter en grande partie les idées de Debord et qui va souhaiter quitter le milieu cinématographique pour mener une vie différente à partir de son rôle intellectuel d'éditeur. Il imagine la fin de sa vie comme éditeur, c'est-à-dire un homme qui va lancer dans le public des textes qui seront hostiles au système. Mais comme il est en même temps un réaliste, il sait qu'il ne peut pas tout abandonner, il a une épouse, il a des enfants, il a tout un business qu'il ne peut pas laisser tomber, c'est un homme responsable, donc il prépare sa sortie. Mais il annonce dans une lettre à Debord que dans les 2 ou dans les 4 ans qui vont venir, il aura définitivement fait sa rupture avec le milieu cinématographique pour n'être qu'un éditeur opposé au système, critique du système, et devenir en un sens un personnage dangereux pour le système. Je me souviens, on avait déjeuné au Georges V, mais quelques jours avant. Et puis, je lui avais dit comme ça, des conseils fraternels, je lui avais dit, mais arrêtez cette guerre au système et tout, vous êtes dedans. C'est pour ça que ce qui fait qu'on n'accepte pas de vous les choses, c'est que vous êtes à la fois le cœur du système et vous passez votre temps à le dénoncer. Et je lui ai dit, voilà, mettez-vous là où vous êtes, c'est-à-dire dans le système. Puis après ça, le système, on peut le réformer. Alors il m'avait dit, ah, mais ça, c'est vous, réformiste, etc. Parce que lui, il était révolutionnaire et moi, j'étais réformiste. Ça, c'était bien clair dans sa tête. Et puis, il m'a dit, puis de toute façon, vous savez, vous vous appelez comme vous appelez, moi, je m'appelle comme je m'appelle, c'est ça qui nous sépare. Ça s'éveillera bien pour vous, mal pour moi. C'est extraordinaire, hein. Gérard Lebovici, que ce numéro de France Soir présente comme, je cite, « un génie des affaires, le maître d'œuvre le plus important du cinéma français », était bien placé pour savoir que j'avais fait dans le cinéma ce que personne d'autre n'avait tenté, et que personne n'avait même su imiter avec quelque talent. J'ai réussi à déplaire universellement, et d'une façon toujours neuve. Beaucoup d'encre a coulé sur le fait qu'il avait racheté une salle au Quartier Latin pour n'y faire projeter que mes films. On a trouvé extravagant un tel cadeau. Si, d'après ces journalistes, un cinéaste ne devrait pas accepter ce genre de cadeau d'un ami, on se demande quelle conception de l'amitié peuvent avoir ces pauvres gens, et quel cadeau peuvent bien leur faire à eux, leurs amis, s'ils en ont. On a dit que cette salle coûtait très cher, puisqu'il n'y avait presque pas de public. Gérard Lebovici ne s'intéressait aucunement à l'argent. Moi non plus, on le sait. Et ceci n'est qu'un des nombreux points par lesquels nous nous ressemblions. Considération sur l'assassinat de Gérard Lebovici, Guy Debord. Il va produire les films de Guy Debord. Il procure à Guy Debord des conditions matérielles extraordinaires. Il lui laisse littéralement, dès le premier film, la liberté totale. ils s'engagent même parfois dans des comportements qui peuvent sembler un petit peu curieux pour un producteur, comme de détourner d'une façon parfaitement illégale des films d'autres cinéastes. Et puis, les échos qu'il a dans le milieu cinématographique officiel quand il montre les films de Guy Debord, en particulier Injiru Mimous, eh bien, sont très souvent négatifs. Or, Gérard Lebovici ne cesse de croire au futur de ces films-là. Il a l'impression qu'il est en face d'un cinéaste magistral, d'un inventeur qui a sans doute la stature d'un Orson Welles, donc qui ne peut pas être immédiatement reconnu dans son génie. Et les films qu'il produit, si on les compare même à ceux des cinéastes les plus avant-gardes avec lesquels il a travaillé, je pense par exemple à Alain René, il y a une rupture très nette. À la fin de sa vie, il achète une salle de cinéma, l'ancien studio Cujas, rue Cujas, et dans lequel un seul auteur sera programmé, c'est Guy Debord. Il s'agit donc d'une sorte de musée cinématographique consacré à un seul artiste, c'est-à-dire à Guy Debord. L'inconcevable manière dont les journaux ont commenté son assassinat m'a conduit à décider qu'aucun de mes films ne sera plus projeté en France. Cette absence sera un plus juste hommage. La presse s'est demandé d'une seule voix, avec une naïve colère, quel procédé, quelle sorcellerie, j'avais bien pu employer pour influencer à ce point Gérard Lebovici, pour, comme ils disent, l'envoûter. Alors, Truffaut n'aimait pas Guy Debord. Donc, il y a eu un petit frottement à un moment donné, quand Debord a pris de l'importance dans la vie de Gérard Lebovici. Mais il me semble que ni Truffaut n'a voulu aller assez loin dans la contestation contre Debord, ni Gérard Lebovici n'a voulu contrarier trop Truffaut. Il y a une lettre entre Truffaut et Kejman, je crois, où Truffaut écrit je m'inquiète pour notre Alceste. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il le voyait dépenser de l'argent qu'il gagnait chez Armédia. Il dépensait de l'argent. Ça agaçait tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Parce que Debord crachait sur tout le monde. Alors, les gens sur qui il crachait n'aimaient pas ça quand même. Vous voyez, c'est un personnage provocateur comme ça, puis vous avez tout d'un coup au milieu Gérard Lebovici qui défend les deux côtés et qui au fond dit « laissez-moi tranquille ». Je pense que Debord a été réellement pris, et s'est pris d'amitié et de considération sincère pour Lebovici. Il n'a pas pu conserver ce masque de cynisme constamment, et il a eu véritablement de l'amitié pour cet homme, à un moment où justement il s'isolait de beaucoup d'autres compagnons, d'anciens compagnons situationnistes. Et donc les deux hommes sont entrés dans une relation de confidence. Lebovici est intervenu dans un moment très douloureux de la vie de Debord pour essayer de l'aider, de le sortir de la dépression liée à une histoire d'amour. Guy Debord, à partir de 1978 environ, entre 78 et 82, a été amoureux fou d'une jeune femme, une Espagnole dont le prénom était Antonia, d'une jeune femme qui, selon tous les signes qu'on peut avoir, ne l'a pas du tout aimée. Et Debord en a éprouvé une blessure assez grande et entré dans un système de dépression dont Lebovici a essayé de le guérir, d'abord en l'aidant, c'est-à-dire en louant pour lui un appartement à Séville, près de là où elle était, pour que Debord puisse la voir, parfois en intervenant entre elle et lui, et Debord, par compensation, construisant un mythe total de cette jeune femme, voulant faire un film total sur l'Espagne, c'est-à-dire sur elle, mais dans cette dimension mythique. Et les Bovici s'étaient engagés à financer le film, le plus grand projet cinématographique de Debord, puisqu'il envisageait des décors, des costumes et peut-être même des comédiens professionnels. Eh bien, tout ça a été brisé avec l'assassinat de Gérard Lebovici, et tout ça a été stoppé. Son analyse de la société en rupture est une analyse, d'ailleurs, comme le fait de bord, la fait de bord, qui conduit à la mort. Parce que c'est le suicide de la société dans lequel le sien s'inscrit naturellement. Lui, il était pour la rupture totale. Voilà, il dit d'un côté, il y a le spectacle de la foule, hein, qui est là pour ramasser l'argent, et puis de l'autre, les œuvres en latin que personne... Lorsqu'il avait pris son cinéma, le Cujas, pour y mettre les films de Debord, et qu'on lui disait, mais il y a eu 3 entrées aujourd'hui, il dit, qu'importe, le cinéma marchera, même vide. On sait que Gérard Lebovici était à son bureau, qu'il a reçu un coup de téléphone, qu'il a marqué sur un papier une adresse rue Vernet, et qu'ensuite il s'est rendu au parking Foch et qu'il n'en est pas ressorti. Et qu'on a trouvé son corps dans la nuit du 6 au 7, le 7 à l'aube, c'est un gardien du parking Foch qui a vu qu'il y avait quelqu'un dans une voiture isolée, et c'était lui. La douille était posée sur la plage arrière de la voiture, il y avait une douille posée. Donc le type qui a fait le boulot pose le truc, quoi. Ça veut dire, voilà, le deal, le contrat a été rempli. Gérard Guégan. Je n'ai pas d'idée, hein, mais je ne dirai pas ici à quoi je songe et qui peut être le bras armé qui a abattu ou qui a fait abattre Gérard Lebovici dans un parking. Tout ce que je sais, et je l'ai souvent appelé, c'est que s'il y a bien un lieu qui faisait horreur à Gérard Lebovici, c'était les parkings. Est-ce que Gérard Lebovici avait été amené à rechercher de l'argent, et est-ce que cet argent était un argent, guillemets, dangereux et qui posait problème? Il n'y a pas le moindre preuve de rien. Hein. Je veux dire, moi je ne crois pas du tout... Moi je pense quand même que c'est une mort organisée par d'autres. Hein. Je ne crois pas aux fous, parce que je crois que... Il y avait tout un rituel, puis le parking, enfin, il y a tous les trucs, voilà, hein, tous les trucs du cinéma, d'ailleurs, c'est extraordinaire à quel point ça ressemblait à ce métier qui était le sien. C'est conduire une tire? Ouais. On a une petite brocante, là, dans quelques jours. Ça t'intéresse? Le personnage était très énigmatique. Bon, il était passionné par les criminels, il était passionné non seulement par Savitsky, mais Mérine aussi. Hein. Donc c'était cette fascination trouble pour... Raphaël Sorin. Des marginaux, des maudits, ça devait enchanter Debord, qui avait sa prétention aussi d'être en cheville avec tout ce qu'il y avait de gens irréductibles et irréguliers. Série de braquages dans le 18e arrondissement. Véhicule recherché, une Renault 16, grise, 77-91, Yankee, 8-75. Véhicule signalé repéré. Mais je repense aussi à ce que Boudard m'avait dit à propos de Gérard. Il m'avait dit quand même, il devrait faire attention. Parce que dans ce milieu-là, la voyoucratie, les choses ne se règlent pas comme chez les éditeurs où on va tout faire pour torpiller son concurrent et si on l'accule à la faillite, eh ben, c'est la mort, mais c'est une mort morale et pas une mort physique. Je ne pense pas non plus que ça soit lié, comme on l'a pensé, à Mestrine et tout ça. Tout ça, c'est autre chose. Mais je crois qu'il a dû enfreindre des règles qu'il ne pouvait pas enfreindre. Voilà. Je ne sais pas si on saura. Ça m'a moyennement surpris, étant donné l'attitude de Lebovici, bon, par rapport à moi notamment. Moi, la dernière phrase de lui que j'ai entendue, elle était comme redoutable. Il m'a dit « Toi, Raphaël, tu finiras dans le ruisseau ». Donc je me suis dit « Il y a un effet boomerang hein. ». Et puis à force de s'intéresser aux assassins, aux criminels, aux voyous, ben un jour ou l'autre, il se passe quelque chose. Mais j'étais quand même sur le coup absolument terrifié quoi, par le fait qu'il n'y avait pas de vraie piste. Hein. Non, parce qu'il y a un parfum de mort dans toute cette histoire. Hein. Surveillant ! Surveillant ! Qu'est-ce que tu veux, Jacques ? C'est qui celui-là, Pinochet? C'est un militaire chilien. Un militaire chilien? Ils font la une. Avec un cave qui s'appelle Pinochet, y a pas une ligne sur moi. Enfin, y a quand même eu un coup d'État. Un coup d'État? Coup d'État? Tu vas me trouver une machine à écrire. Trouve-moi une machine à écrire. Que je vais écrire, moi. Je vais voir ce que je peux faire. Va, ouais. L'instant de mort, pour moi, est un des plus mauvais souvenirs qui soit, parce que, effectivement, Gérard a voulu rééditer, a voulu produire le film. C'est Belmondo qui devait le tourner. Moi, j'ai assisté aussi à un rendez-vous entre Belmondo et Godard. Bon, ça ne s'est pas fait. Et cette période noire, je veux dire, qui a abouti à cette disparition de mon ami, mon grand ami, me semble liée beaucoup à cette aventure douloureuse de l'instinct de mort, qui porte bien son titre. Les gens qu'il aimait étaient tellement décontenancés. Que voulez-vous dire? Et que voulez-vous dire quand vous voyez le portrait de quelqu'un que vous admirez traîné dans la boue? On a recherché... Bon, ils ont recherché dans sa vie tout ce qui pouvait être un peu boueux. Ils ont essayé de l'assimiler Guy Debord à cette boue. Lui-même était tellement terrorisé d'être le suivant sur la liste que ça le disculpait d'emblée de toute tentative de ce genre. Non, je souris, mais bien sûr qu'il n'avait rien à voir dans tout ça. Il pensait que c'était à cause de lui que Gérard avait été tué. Mais tout le monde était tétanisé. Les gens qui pouvaient être interrogés étaient tétanisés, et les gens qui interrogeaient étaient tétanisés aussi. Parce que quand vous voyez sur un carnet le téléphone personnel de Jeanne Moreau et la maison de campagne de Gérard Depardieu, si vous êtes flic de base, ça vous fait peur. Et je connais des gens qui étaient dans le carnet de Gérard Lebovici, qui déjeunaient avec lui et qui n'ont pas été interrogés. Et ça m'interroge. Je pense qu'il y avait une unité chez cet homme, une unité intérieure, et qu'il y avait des facettes de jeu. Il était extrêmement ludique. Alors, quelquefois, on joue trop. Mais je ne vois pas, personnellement, les mêmes contradictions qui sont soulignées par tellement de gens. Mais je pense aussi que les gens aiment bien souligner les contradictions parce que ça rajoute du mystère. Je crois que c'est la chose pour moi la plus forte à son sujet, si vous voulez. C'est cette personnalité qui n'est pas si pleine de zones d'ombre, qui est pleine de zones de discrétion, mais pas forcément des zones extraordinaires d'ombre au sens où on voit se profiler une affiche de cinéma avec une ombre qui s'avance. C'est pas ça pour moi, Gérard Lebovici. Pas du tout. Casey joins the hollow sound of silent people walking down the stairway to the subway in the shadows down below. Following their footsteps through the neon darkened corridors of silent desperation, never speaking to a soul. Poison air he's breathing has the dirty smell of dying, 'cause it's never seen the sunshine and it's never felt the rain. But Casey minds the arrows and ignores the fatal echoes of the clicking of the turnstiles and the rattle of his chain. C'était la deuxième partie du Mystère Lebovici, un mauvais polar, avec Marie-Christine de Montbrial, Jean-Marie Apostolides, Jean-Louis Lévy, Gérard Guégan et Raphaël Saurin. Avec les extraits de l'émission Surpris par la nuit, Gérard Lebovici par Benoît Bourreau, diffusion le 18 février 2004 sur France Culture, et de l'émission Profil perdu, Gérard Lebovici par Cécile Hamzy, diffusion le 27 juillet 1995 sur France Culture. Archivina, Marie Decamp. Prise de son, Frédéric Kérou. Mixage Claire Levasseur, Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Annabelle Brouard. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain. Un pêcher, ça vous dit ? Nous allons acheter un chalet à la montagne pour les vacances d'hiver. Mais c'est une autre histoire.